mort, m'a laissé ses richesses, m'a laissé ses pantoufles, puis ses dents, puis sa veste. Mais ça qu'il m'a laissé, ça y a pas coûté cher. Ben j'ai su par après que c'était le dentier de mon grand-père. Mon grand-père, mon grand-père, oui, mon grand-père Joe. C'était un beau bonhomme, beau grand pignot. Il y avait Dono, puis Albert, puis son frère Léo. Ça c'était la famille de grand-père Joe. C'était un beau bonhomme, il a sommé un peu avec son poing pour le fun. Il était faux comme un ours, puis courait comme un joual, mais il a jamais travaillé parce qu'il disait que ça y faisait mal. Mon grand-père, vive mon grand-père Joe. C'était un beau bonhomme, beau grand pigot. Il y avait Dono, puis Anna, puis son frère Léo. Ça, c'était la famille de grand-père Joe. C'était une bonne femme. Quand ce grand-père Joe est mort, elle s'est trouvée un autre homme. Il s'appelait Odilin, elle disait qu'il était beau. Mais pour moi, il remplacera jamais mon grand-père Joe. Mon grand-père, oui, mon grand-père Joe. C'était un beau bonhomme, beau grand-père Joe. Il y avait Dono, puis Albert, puis son frère Léo. Ça c'était la famille de grand-père Joe. Mon grand-père, oui mon grand-père Joe. C'était un beau bonhomme, beau grand-père Joe. Il y avait Dono, puis Albert, puis son frère Léo. Ça c'était la famille de grand-père Joe. Ouais, ça c'était la famille de grand-père Joe. De grand-père Joe. Grand-père chantait toujours au creux de mon oreille. Les souvenirs et les regrets aussi. Grand-père Joe était dans la madeleine. Et c'est le succès. Les gens ont changé de chaîne. Ils se sont dit, on va se débarrer. On va s'ouvrir les horizons. On va se libérer. Enchaînons-nous ailleurs. Hey non, Madame Tremblay, restez là, s'il vous plaît. Oh! Comment ça va, vous? Ah, moi, ça va très bien. Auditeur, auditeur. On va demander aux gens qui nous écoutent. Gens! Allô? Attendez, on va l'appeler. Gens! C'est quoi? C'est qui? C'est Gens Populace. Gens Populace, ça va bien? OK. Là, on vous entend pas. C'est normal. Vous êtes surexcité. Ce qu'il faudrait, c'est baisser votre fenêtre. Je le sais, c'est le 25 janvier. C'est pas chaud. Quoique, dans 30 secondes, il y aura un vent chaud qui proviendra du sud. À ce moment-là, vous ouvrez votre fenêtre, vous sortez votre tête et vous criez « Ouais! » je sais qu'il est tard, mais vos voisins le savent. Vous avez le droit à cette heure-ci de dégénérer, de dégrader, de dévisser votre esprit. Et si vous savez pas comment faire, il y a mon c'est pas un triporter, c'est un équilibriste du pinceau. Non, c'est du tour de vis. Ah, c'est pas la même chose. Ben, peut-être que quand tu fais des trous, vaut mieux peinturer par la suite. Mais c'est le professionnel du tournevis, puis de la scie ronde, et de la scie carrée, et de la s'il vous plaît. Ah, mon Dieu, merci beaucoup, de rien. Alors, ils vont nous dire comment faire pour... merci, monsieur. C'est très simple. Restez calme. Ne criez pas maintenant. Gardez votre énergie pour le bon... Pour le bon moment. Mais là, ce n'est pas le modus operandi. Et qu'est-ce que tu dis là? Oh, moi, c'est latin québécois francophone. Alors, le modus, c'est les parents, ne soyez pas, restez vous-même. Faites pas comme lui, là. C'est qui? C'est l'animateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas lui-même. Ça, au bout du choix, hein? Pendant toute notre vie, on nous dit, reste toi-même! Hey, les comédiens, heureusement qu'eux arrivent à transcender. Pensez-vous sincèrement que mon ami Le Silence des Agneaux, là, c'est pas Jeff Burgess, c'est McQueen, c'est pas McQueen, je le vois, là, les yeux bleus, là, un homme assez assez homme, quoi. Pas trop féminin. Il n'a pas joué de rôle de femme, lui. C'est pas Dustin Hoffman. Comment il s'appelle, donc? Silence des Agneaux, donc? Vous le savez, c'est lui. Bon, lui. Bon. Hopkins. Merci. Hey, vous avez soufflé. Garde votre... Hein? Je vous entends à travers votre radio. Parlez-moi, dit. Parlez-moi d'amour. OK? Un, deux, trois, dites-moi bonjour, OK? À travers votre radio, ouvrez pas les fenêtres parce qu'on m'a dit que ça pourra pas refermer. Ça risque de geler. Ici, ça gèle. Vous allez monter le chauffage. Si vous montez le chauffage, ça va coûter cher aux Québécois, aux Québécoises, à Hydro-Québec. Ça va coûter un bras. Alors, restez calme. Devant votre radio, placez-vous simplement en parallèle. OK? Et à go, vous dites « Bonjour, Renald! » OK, public? OK? Un, deux, trois. « Bonjour, Renald! » Bon, OK, merci. Bonjour à vous! Ça va bien? Hey, la fin du mois de janvier. Oh, ça va vite. Ricochet va vite. Trop vite. Là, je me demandais, là, avant d'ouvrir le micro, comment fait-on pour arrêter le temps? Non pas pour aller là, dans le passé, ni se lancer dans le futur. J'en ai rien à cirer du futur, le passé. Non, je suis un être de présent. Sauf qu'à l'école, lorsqu'on disait... Rénal Gagné. Voyons. Rénal Gagné. Il n'y a pas de main qui se lève, Rénal Gagné. Oui, Rénal Gagné. Rénal Gagné, il était où? Il était à Radio Étudiante. Il faisait jouer des disques de Lucien Francoeur. Il faisait jouer des disques de Charles-Élie Couture. Il faisait jouer des disques de Bernard Lavillier. Il faisait jouer des disques. Rapprochez-vous. Je peux pas dire tout. De Serge Gainsbourg. Ah, j'étais jeune, moi, là. Je faisais mon éducation sexuelle en écoutant Gainsbourg. Moi, là, j'étais moi non plus. Je croyais que c'était une danse. Je vais et je viens. C'est beau, ça. Ça, c'était avant le break and break and dance. Où, ça fait rire les oiseaux, tout est du soleil. Ça fait rire les moineaux, ça fait crier les goélands. Ça fait rire les oiseaux. Oui? Oui, monsieur la directrice de la... Je resterai dans mon zoo. Je ne sortirai pas. Oui, on m'a placé dans la cage des chimpanzés. Et ils font beaucoup de bruit la nuit, moi. Il y a une guenon qui arrête pas de me tâtonner la... Oui? C'est pas normal. L'avez-vous opéré, cette guenon? Gardons la... Mais, oui, mais plus elle me regarde, plus je la trouve jolie, moi, là, là. Hey, j'ose même plus dire que c'est un museau. Il y a comme une intimité. Hey, le beau nez, le beau nez. Là, elle... elle parle plus que mon ancienne femme. Mon ancienne femme, elle faisait juste crier, puis elle murmure des cris. Je dis, elle va me manger l'oreille. Et non, elle prend sa grande langue grugueuse. Puis... Oh, je suis rendu mon point faible à l'oreille. Oh, hein? Avez-vous remarqué, je sais pas si tous les hommes se sont fait lécher un jour l'oreille par une guenon. Mais ça fait du bien. Ça nettoie toute la, tu sais, le décorum, là. Non, le cirrorum. Le circus obicus. Le mucus jaune. Comment t'as... Non, je brassais, j'avais les jingolos dans la main. Yes. Ouais. On va demander à l'auto-rhino-laryngologiste. Est-ce qu'il y a un auto-rhino-laryngologiste? Vous possédez des remontes? Non, on n'est pas. Ben, moi, personnellement, je suis possédé. Non, pas des remontes, quoique je les adore. Il y en a juste un, remontes. Tout le monde est mort. Comment c'est ça? Vous possédez des remontes? Oui, ben non. Je sais pas j'espère que ça sera pas écrit dans le journal demain, là. On colporte des choses à mon sujet. Oui, c'est vrai, la guenon, c'est vrai, l'échange d'oreilles, c'est vrai, elle retire mon cirrus, mon circus, mon rémus, mon prépu. Non, c'est pas, non, c'est en fait le jaunâtre dans l'oreille qui garde la cavité en protection extra. Plus t'en as, là, ben, plus tu deviens sourd, mais elle, on dirait qu'elle aime ça. Elle commence à trouver ça intéressant. Elle se nourrit de viande. Non, tu vas tomber malade. Là, il y a comme une petite relation entre nous, là. Qu'est-ce que je peux faire sans toi, voilà. Là, je tourne l'oreille, moi. Parce que moi, je tourne, elle a des belles grandes oreilles. À un moment donné, je me suis dit, c'est-tu bimbo, là? Il m'a envoyé l'éléphant, puis il fait noir à un moment donné dans ces cages-là. Là, il y a là le tour avec Rénal. Comment je l'ai appelé? Regarde-moi ça. Ça reste dans l'intimité. Ça me gêne un peu, là. Parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, oui, des gens, et que leur épouse s'appelle du même nom que ma guenon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire guenon, pas ça. Guenon, non, ferme ça. Ah, mon prochain, c'est passé. Comme il disait, il est possédé le milieu des robots. Vous possédez des robots? Sans doute. Mais on me demande souvent, mon Rénal. Ça tombe bien, c'est moi. Ah, une petite toux, ouais. J'ai une pension lombaire au niveau de la. Ouais. Comment tu fais, là? Comment ça fonctionne, cette émission-là? Là? Ça fait 25 ans que tu fais ça. Non, 37. Bientôt 49. Alors, avant l'émission, il me faut des ambulancières. Des infirmières, des escortes, pour si nécessaire, une transfusion d'amour. Parce que s'il n'y en a pas, comment vous voulez, il y a une réciprocité. Eh, monsieur, c'est beau, ça, merci. En fait, c'est le terme réciprocité, je l'ai dit une fois, là, mais, ah! Non, mais les gens s'imaginent que dans ce coyote-là, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a un petit poids, puis il est bien sec, puis il bouge pas. Il est stagnant. Stagnant. S-T-A, stagnant. Esta. Start, sta, débuté. Star, sta. Nya. Stagnant. Même chose. Facile, là. Langue française, c'est pas faite pour les fous. Les débiles. Surtout les puristes, là. Les gens qui prennent leur crayon, leur papier, prennent ça en note, les mots qui dérivent, là. Ah, c'est pas masculin, c'est féminin, ça. Ça part pas toi, elle, ça en prend quatre. Hey, nous, les bègues, on peut-tu rajouter des T comme on veut quand on dit... On veut dire Thérèse, hein? On a de la misère à partir. À un moment donné, Thérèse est partie, peut-être encore sur... Tabarnouche, Thérèse! Clouez-la, attendez que je lui parle, là! Elle est plus capable. Oh, à chaque fois que je la vois... Il doit tomber d'un mal, lui, là. C'est un cinglé, c'est un... Êtes-vous possédé des remontes? Ah, sans doute. Pas normal. Il vient des yeux ronds. Plus de respirer. Non, il peut plus. Il y a le do mineur dans le si bémol. Et quand tu as le si bémol coincé, croyez-moi, ça fait mal. Musicien, vous connaissez la... Voulez-vous que je prenne la note? Mais accordez-vous avec votre diapason. Di, di, bémol. B, B, B, A, B, bémol. B, dur, B, dur, B, dur, bémol. Bémou, bémou, bémou. Bésame mucho. Quand tu regardes le soir... Et qu'il fait beau, mes amis mucho. Quand tu me grattes le dos, je me sens si boulot. Hein? Oui, ça c'est ondandine. Julio a fait sa carrière là-dedans, là, dans ce milieu-là. Là. Vos les femmes, vos les charmes. Depuis l'autre, Michel Sardou, lui, c'est en s'endormant sur la chanson. Et mourir. Hey, les gens payaient 150$ pour le voir dormir sur scène. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, c'est déjà fait. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Donne-moi de la corde, Rita, donne-moi de la corde, merci. Parce que les écouteurs coupent, le micro coupe, le couperet coupe. La guillotine, si elle arrive à trancher la tête, qu'arrivera-t-il? On va y en poser un autre. Elle n'est pas celle de ma Ganon. Celle de ta Ganon. Ganon, Ganon, Ganon, Ganon. Gardons ça, là. Hein, sont jaloux. Est-ce que vous avez une Ganon, hein? Allez en Sibérie. Non, c'est en Afrique. En Afrique du bleu, du quoi? Du Nord. Moi, je vous conseille Afrique du Nord. Parce que elles ont pas le sang. Parce que moi, je sens chaud. Le monde fait chaud, hein. C'est couché avec toi, ça a du poil, là. Même si tu te demandes, veux-tu te raser, ma chérie? Ben, elle prend les nerfs vite, elle, là. Faut la flatter dans le sens du poil. L'absurde, ouais, c'est son cri d'amour, elle. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne, c'est du vécu. Ah, vous savez que... J'ai perdu mon poisson rouge la semaine dernière. Ça, oui, je sais que ça a apparu. CKRL en a parlé. L'émission du retour à la maison, Tania Beaumont en a parlé. Elle n'était même pas certaine que j'allais faire ça. Cette erreur serait la tienne de ce soir. J'ai beaucoup eu de difficultés à m'en remettre, mais je remercie infiniment le chimpanzé qui me sert de deuxième épouse. Merci beaucoup. L'absurde aventure de Laurence Renaldine s'ouvre à l'instant. Ah, il était tout. Hey, t'es... Non, mais c'est ça, c'était une semence entre une truite. Oui, une belle truite. Et une chèvre. Elle faisait... Puis elle courait. Ah, oh, c'est bon. Elle donnait du lait de chèvre. Elle n'avait pas de mémoire. 2 secondes. Ben oui, poisson. C'est quoi le poisson? Ben, poisson, c'est ça. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Tu dis bonjour, hein? Hein? Puis moi, en plus, elle ne parlait pas. Elle faisait... C'était bien. Moi, j'avais à fumer. Ah, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier, Rénal Gagné. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse, qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Bonne question à poser, celle-là, aux enfants, là. Hein? Excuse-moi, là, Alexandre. Je sais pas si à l'école, on t'en a parlé. Là. Tu es en post-secondaire. Mais là, en post-secondaire, est-ce qu'on t'enseigne l'histoire de la radio du début jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on te dit que l'émission la plus exceptionnelle au monde, dans le monde francophone, parce qu'en Chine, il y a... ils font des entrevues avec des grains de riz. Mais la meilleure, c'était le grain brun. Cuit 15 secondes. Ah, oh, c'était croustillant. Ah, oh, ils dévoilaient des choses, là. J'ose même pas le dire en nom. Ah. Oh. C'est écrit sur le grain de riz. Oui. C'est écrit. OK. Pouvez-vous nous le lire? Non, c'est écrit. OK. Mais là, l'émission francophone. La plus exceptionnelle au monde. C'est surtout pas Errance Rénaldienne. Ah! On te l'a pas appris à l'école, ça, non? Certaines? Certains? Surtout? Certains? Surtout? Certains? C'est-tu? Aujourd'hui, le vendredi 25 janvier 2013, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous. Merci. Je me suis recueilli parce que j'ai vu une lumière au loin. Je croyais que c'était la poursuite qui me cherchait. Et je suis là! Ça fait 50 heures qu'elle m'avait dit « Place-toi sur scène, il y a la poursuite qui... » J'ai plus d'eau depuis déjà 8 heures. J'agonise depuis 30 secondes. Je vais mourir. Je me sens comme... Corneille, pas le chanteur, là, mais l'autre, Corneille. Corneille, vous connaissez pas Corneille? Il y en a, il joue du théâtre, là. Du théâtre, théâtre. Quoi ça, théâtre? Pas théâtre, théâtre. Du théâtre. Ah! Que de scènes n'avons-nous pas joué? Mieux en rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Petit écran que l'on trouve overplay, ralenti qu'on aimerait voir en accéléré. Que de scènes n'avons-nous pas joué? Mieux vaut en rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Et ce zeste qui me rend muet. Et ce zeste qui nous tient aux aguets. C'est bon, hein? Alors là, c'est ça la poursuite. Trouvez-moi, je suis là sur scène. Élargissez la lumière. Arrêtez de pointer avec le diaphragme. Hein, je connais ça, hein? Pas de problème avec ça, le théâtre. L'accessoire actant. Exemple, un fusil, c'est un accessoire actant. Acté, acto, pacté. C'était pacté, moi, il branle de tous les bords, puis on lui a dit, trempe pas ça dans l'alcool, ce fusil-là. Fonctionnera plus. Il va faire l'inverse. Au lieu de tirer par la cheminée, il va tirer par le trou de pète. Puis s'il tire par le trou de pète, monsieur, tu risques, le tireur risque d'être tiré. C'est comme l'arroseur arrosé. Comprends-tu ça rapidement, là? Dans la tête, ça fonctionne. Ah oh non, ça sonne. C'est la tête, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on répond. Mets le son, OK. Allô, la tête? OK, la tête, t'étais présente? Est-ce que tu te souviens de ce qu'on a dit ça il y a 15 secondes? Alors, on enchaîne? Merci. Non, mais c'est bon, hein? Bon, alors, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne Aline Stinus. Aline Stinus débute sa formation théâtrale aux ateliers du Théâtre Jeune Public de Strasbourg. C'est beau, Strasbourg. Très beau. Ce mélange d'Allemagne et de France, la cathédrale majestueuse qui entoure cette ville, me réjouit à chaque fois que je la visite. Et à vrai dire, je ne l'ai vu que 3 fois dans mon existence, Strasbourg. Claude Nougaro aurait sans doute donné à un de ses textes l'hymne national. Mais il ne venait pas de là, mais de Claude Nougaro, c'est quoi? Oui, je sais, c'est Sicile, mais c'est pas une ville, Sicile. Ah oui, ben oui, c'est en Italie. Oh, l'hymne national des Italiens. Sicile. Mais lui, c'est quoi, c'est? Oui. C'est trompettes, ça. Ta-la-la-la-la. Imaginez-vous des trompettes, OK? Toulouse. Ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la. C'est merveilleux. Sur scène, là, il devrait tout enlever les trompettes, je dirais. Les publics, imaginez-vous, le ta-la-la-la-la, c'est les trompettes. Hey, les gens payent 250$ pour entendre ça. Là. Un chanteur qui fait comme... Ça, là, c'est comme les violons, OK? C'est les violons. Tout, ah là là là là, tout, ils sortent de là, avec des tics nerveux. Ça leur coûte 500$ de tic. Alors, Strasbourg, puis en parallèle de ses études universitaires en histoire de l'art et d'archéologie, elle participe à une série de stages au sein de plusieurs centres dramatiques nationaux avant d'intégrer l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris. Au théâtre, elle a notamment travaillé sous la direction de Michel Massé, Ensuite de ça, la co-réalisée. Coco and Co. Elle a co-réalisé une pièce de théâtre et elle a également collaboré avec Alex Lutz, Ottavia Casagrande, Richard Demarcy et au cinéma avec entre autres David Charon, Xavier Giannoli, Thomas Guilou et Costa Gavras. Son parcours s'effectue au travers de projets théâtraux et cinématographiques dans lesquels elle peut exprimer son caractère et son vocabulaire de comédienne. Actuellement, elle adapte librement un texte, elle nous en parlera plus tard, sur la scène dont le titre provisoire est « Supine Marilyn » ou « Supine Marilyn ». Ça dépend, hein? C'est traduit, c'est « Supine ». Super Marilyn. Merci, ça fait du bien. Ah, suite Super Marilyn sur la dernière mort. En juillet 2012, Erance Rinaldienne se trouvait là à Paris. La preuve! Ne rien remettre à demain, être sur le bon chemin, jamais ne douter de rien. Toujours avoir un avis, des noyaux, des spaghettis, des crevettes ou des sushis. Ah oui, c'est... Tu partages une chambre avec non? Quatre personnes. Ouais. Ah ben oui, mais c'est l'auberge, donc c'est la galère. Tu mets Guillaume Laurent. Alors attends. Tu viens de venir à Torre Florac, tu fais du soleil, et ensuite tu mets Sébastien Pellier. Ce serait hyper drôle. Et donc tu fais des interviews pour... Je fais des rencontres, c'est pas, pas vraiment... on discute de ta carrière, on parle de ce que tu as fait, de... puis mais ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, là, à l'heure où on se parle, c'est le fait que j'ai lu ta biographie, okay, ouais. Et normalement, je me rafraîchis la mémoire en relisant. Et là, tu l'as pas fait. Ben, c'est pas, j'aurais bien aimé la faire, mais je la trouve plus. Alors, on va voir si ma mémoire est bonne. Ah, tu la trouves plus. Non, je la trouve plus, mais c'est dans mes trucs, mais je la trouve plus. Ah, d'accord, parce que j'ai changé de... Mon hébergement de site a changé. Ah non, non, non. Et comment tu m'as trouvé? Ben, je t'ai vu grâce à des amis comédiennes et comédiens sur Facebook. Ouais. Et tu envoyais un commentaire à quelqu'un pour son anniversaire. D'accord. Et là, j'ai vu que tu faisais du théâtre et que oui, tu étais surtout du one-man show. Est-ce qu'on peut appeler ça du one-woman show? Non, c'est vraiment du théâtre. Alors, on dit ici seul en scène burlesque. C'est un peu plus long. OK. Non, c'est les codes. Disons que. Il y a certains codes qui appartiennent au One Woman Show, okay, parce qu'il y a une adresse publique, c'est-à-dire, okay, qu'il n'y a pas de, il y a pas de quatrième mur, okay, mais c'est parce que je me retrouve dans une situation absolument incongrue, je me retrouve nue sur scène, oui, et je découvre le public. Et donc, une fois que le public est là, et bon, j'ai pas trouvé mon costume, hein, mon personnage est un peu, c'est un peu un genre de clown, un peu naïf, un peu ingénu. Mais à l'origine, tu as commencé avec les enfants, non? Non, t'as pas, mais burlesque, ton côté burlesque, tu l'as. C'est parce que j'ai fait l'école Jacques Lecoq. C'est ça, ok, exactement. Donc, tu as aussi une formation artiste. Non pas d'art plastique, mais anthropologie. Histoire, oui, c'est de ça, l'art, anthropologie. Histoire de l'art. Oui, j'ai fait de la théorie. Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'histoire de l'art et après de changer de cap et de Ah non, j'ai pas changé de cap, c'est-à-dire que j'ai eu une éducation où... Donc moi, je viens de l'Est de la France, de Strasbourg, okay, peut-être, oui, que tu... Bon, je suis allé en 89. Voilà, oui. Donc je viens de l'Est de Strasbourg et de l'Est de la France, donc, okay, de Strasbourg. Et j'ai toujours, enfin, mes parents m'ont toujours emmené dans des musées, les expos, etc. Okay. Et mes premiers souvenirs, c'était ici à Paris, quand j'avais 7 ans. De théâtre et d'exposition. Donc à 7 ans, j'allais à Beaubourg. Évidemment, ce que j'ai retenu, c'est plus les escalators, tu sais, les escaliers mécaniques où tu vois tout Paris, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette familiarité avec l'art, etc. Donc c'est vrai qu'après le bac, je faisais déjà du théâtre, j'ai commencé à faire du théâtre au lycée. Donc après le bac, bon, tu sais, chez nous en France, c'est très segmenté. C'est-à-dire que si tu rentres pas dans une école, tu vas à la fac, ouais, alors fac de lettres, fac de langue. Pour devenir quoi? Pour devenir prof? Non, je veux pas devenir prof. Des excuses à de ce que sa canne était aussi petite. Il est si tombé enfermé. connais pas. Ça y est, cette fois, c'est pour moi. Super. Pardon, mademoiselle, tu n'aurais pas l'heure, ça. Non. Ça, c'est fini chez le psychiatre. Pour ne plus me laisser abattre, il m'a dit que sortir, c'est bien. Au lieu de regarder tes fins qui nous font flipper pour rien. En plus, il m'a donné des cachets. Depuis, il a retrouvé la paix. J'en ai des roses, des verts, des blancs. Et toujours deux entre les dents. Ça détend le cul, putain. Je me souviens plus très bien. Depuis les antidépresseurs, je n'ai plus peur de rien. Du soir et du quotidien, je souffre sans douleur. Je ne rêve plus, mais ça fait rien. Et même si je n'ai plus très faim, ça va comme ça et c'est très bien. Je suis plus la même, j'ai mes produits, j'ai plus de problèmes, plus rien à foutre des connards qui me tiennent la jambe tout plein de haine. Franchement, on va leur compte des baleines. L'ennui c'est que je ne dors plus sans. Quand j'en ai plus, je suis à cran. Je crie, je fouille tous les placards. J'appelle le docteur et j'attends. Bonjour, vous êtes bien au cabinet du docteur Prozac. Merci de laisser votre message, je bip. Je suis derrière la porte, ouvre-moi. J'ai plus de médicaments, je me sens pas bien. Monsieur le pharmacien, je vous la porterai demain. L'ordonnance était dans mon sac. C'est à cause de tous ces vauriens. Ah, les voleurs, ils sont malins. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Vous allez entendre parler de moi. Je connais des gens au ministère. Moi, je lis, je connais mes droits. Et vous, ne me touchez pas. Je me souviens plus très bien. Depuis les antidépresseurs, je n'ai plus peur. Je souffre sans douleur. Je ne rêve plus mais ça fait rien. Et même si j'ai plus rêve pas, ça va comme ça et c'est très bien. Ça se finit dans la violence. Moi attaché dans l'ambulance, hurlant que j'avais les crevés. Tout très bon de ma décadence. Et d'un coup tout fut terminé. Dès que je vis l'ambulancier, je suis plus l'été né pour moi. Et en 6 mois nous fûmes mariés. Et lui n'a peur de rien. Et de mes angoisses, il est mes fleurs. Il m'a offert des fleurs. Et moi j'aime pas, mais ça fait rien. Je lui dis tout, ça fait du bien. Et puis demain on verra bien. Et bonsoir. Manger dans sa main, c'est une fille un peu cruelle. C'est une fille intéressante, elle a du fric et de la chance. C'est une fête perpétuelle. Le genre de fille, elle chante le genre de fille. Elle lui semble le genre de fille, elle lui semble le genre de fille. Elle lui chante le genre de fille, aberrante le genre de fille. Énervante le genre de fille, arrogante le genre de fille. Épuisante. J'en ai marre, je me barre de ta vie. Je tourne en rond auprès de toi. Oui, j'en ai marre, je me barre de ta vie. Et je te glisse entre les doigts. Je fous le temps et je m'en fiche. Je me fous que tu sois ma vie. Je fous le temps, tu survivras. Je fous le temps, je dégarpille. Je fous le temps très loin d'ici. Je fous le temps très loin de toi. C'est une fille qui bouge bien. C'est une fille à baldaquin. Le ciel au lit, le lit au ciel. C'est une fille tourbissante. Elle a du chic et l'indécence. C'est une bombe sexuelle. Le genre de fille. Je me barre de ta vie, je tourne en rond près de toi. Oui, j'en ai marre, je me barre de ta vie. Je te glisse entre les doigts. Je fous le temps et je m'en fiche. Je ne veux que tu sois ma vie. Je fous le temps, tu survivras. Je fous le temps, je dégarpille. Je fous le temps très loin d'ici. Je fous le temps très loin de toi. Easy. les condoms, les vaccins, les arrestations et l'absinthe. Je suis quand même tombé malade. Et je patauge dans la merde avec des vertiges et la fièvre dans un clapier subtropical. Je lave des potions imbuvables en voyant sauter un chaman et j'ai des hallucinations sentimentales. Je vois cette fille, elle chante, je vois cette fille, elle nous chante, je vois cette fille, ravissante, je vois cette fille, elle chante, je vois cette fille, aberrante, je vois cette fille, énervante, je vois cette fille, arrogante, je vois cette fille, épuisante. Loin de toi, j'en ai marre de ma vie, je fais le tour en quelque part. Oui, loin de toi, j'en ai marre de ma vie, tu me rattrapes où que je sois. Le bout du monde, je m'en fiche, il est dans tes grands yeux de biche, je prends le train à chaque fois. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin. Non, mais c'est une émission qui a du chien. Hein. Hey, merci de nous écouter. Hein. Merci de syntoniser CKRL. Merci de rester fidèle à mon émission. Vous êtes... On n'a pas le choix. On n'a pas le... Ben, en fait, on... la radio est collée là. Est collée là. Est collée, Rick. Oui, comment ça? Ben, elle ne veut pas changer. Oh, c'est bien ça. Gardez-la comme ça. Ouais, mais c'est... Ouais, non, gardez-la. Non, hey, monsieur. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-lui nous suggérer une époque... Il est dans mon cou, j'ai mal. Ouais, c'est... voulez-vous un petit peu de friction? Ça fait mal, hein? Le public... font. Ah, attendez-vous, le public fait. Non, parce que c'est un public fait, OK? Ils font, mais c'est le... Hein, comme... ça. Comme ça. Ah oui. Comme ça. Ils font une réflexion fondamentale. Quoi, c'est des naufragés? Non, c'est des... c'est quoi? Des vaudous? Pas des vaudous, des boudous. Des boudous, des boudous. Des boudous? Non, c'est pas des boudous, c'est des... voyons, des... Ah, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, c'est zin. Comment on appelle ça? Voyons, non, c'est... les bouddhistes, les bouddhas, les bouddhis, les boudous, les bidous, les bidous, les bidous, les bouddhas, les bouddhas, les bouddhas. On va partir, là. On va partir, Bouddha. À l'intérieur. De l'intérieur vers l'intérieur. C'est l'implosion. C'est pas l'ex, c'est l'in. C'est simple. Alors, faut manger des fruits. Faut pas manger de viande. Faut pas tuer d'animaux. Ni des poissons. Les poissons, ce sont des animaux. Nos animaux sont nos amis, les végétaux aussi. Surtout les végétaux. Les légumes. Rénal Gagné. Les légumes. Rénal Gagné. Les légumes. Rénal Gagné. Si je comprends bien votre réflexion, j'allais dire analogie, mais votre réflexion, vous juxtaposez, monsieur, messieurs, les réflectoires, les soumis à l'intelligence. On n'est pas soumis, on est libéré de l'intelligence, nous, là. On sait que vous ne savez pas. On sait que vous cherchez, que vous ne trouverez jamais. Nous, on veut l'avoir. Pas l'avoir, l'avoir pécuniaire. Les pécules. On ne veut pas de PQ, nous. Ouais, mais on veut du PQ, excuse-moi. Mais pas de ce PQ-là. Un autre PQ. Loi 101. le français, le Québec libre, mais pas le PQ, PQ, PQ, papier cul, pipi. Bon, c'est ça qu'on veut pas. Même si on le voudrait, on n'oserait même pas le demander. Ah oui, mais attends, vous êtes monsieur tout le monde, vous? Oui. OK, monsieur Taillon, là, sous la main, monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, vous allez voter à l'occasion? Oui. Surtout quand c'est pas le temps, hein? Oui. La dernière élection que vous vous êtes faite, en fait, virtuellement, c'était de votre plein gré, n'est-ce pas? Oui. Vous avez mis 3 partis politiques. Ouais. OK. Il y avait quoi? Le parti des internationaux? Ouais. Oui. Le parti des intégristes? Ouais. Et le parti des grégaires. Allô? Allô, grégaire? Non, il est pas là. Bon, monsieur, avez-vous voté grégaire? Ouais. Ah, c'est pour ça. Vous avez une réponse un peu, Ouais. OK. On y va ensemble? Ouais. On dirait que c'est moi qui fais ça. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Est-ce qu'on peut entrer, monsieur? Ouais. OK. La phrase, c'est « Le toubib m'a fait une triple prise de sang. » Et ça me rappelle lorsque j'étais lutteur et après ça, boxeur, et que là, j'avais fait un triple combat. Un après l'autre. Avec le mi-moyen, avec le moyen et avec le poids lourd. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, il faut que ça fonctionne avec le poids. Je sais! J'enlevais du linge, j'en rajoutais. Hey, je me suis mis pour être dans le poids lourd, là, un casque en béton. Hey, j'avais la tête qui rentrait dans le mobile. J'avais le nombril qui tombait vers le bas. J'étais là, là. J'avais les bras qui étaient prêts. Poum, poum! Poum! C'était c'est pas des boomerangs, c'était des ressorts. Ressorts. Puis là, on m'avait placé avec un arbitre un peu étrange. Il prenait pour un zèbre. Il courait partout. Il disait, allez-y. Hey, attends, toi, là, tu fais mon troisième combat, là. Hey, j'ai frappé 150 coups au premier, 75 au deuxième, puis celui-là, ben, je vais tenter d'en faire un seul, mais un vrai coup, là, tu sais. À pau, là! Celui qui fait perdre la raison. Je t'aime. À perdre la raison. Je t'aime à ne savoir que dire. À savoir que dire. Et monsieur, redis-le. Je t'aime jusqu'à la déraison. Je t'aime en ne sachant rien dire. Et là, au poids lourd, casque de béton, souliers de béton, gants de chiffon et tête au diapason. Je voyais des mouches partout. Lui, il courait pas autour de moi. Il pesait 350 livres. L'endroit où nous combattions. Lorsqu'on se plaçait dans le milieu, il y avait un creux. Ça me rappelait quand je faisais de la natation. Va pas dans le creux, mais là, j'ai pas le choix. La scène, le ring, était dans le... Ah, bon... Hey, le bois craquait. On va tomber dans le sous-sol. Les gens criaient, ouais! Hey, j'avais déjà des sueurs. Comme je vous dis, il y avait deux autres combats derrière moi, là. J'étais réchauffé. Je pouvais pas dire que j'étais pas réchauffé. Ah, je courais autour de mon adversaire. Hey, lui, il avançait. Boum, boum, boum. Boum, boum, c'est ma tête, ben oui, hey, c'est lourd, cette casse-là, là. Puis là, il vient pour m'envoyer une gauche, là, derrière la tempe. Mais comme c'est en béton, là, pow! Sa main se fracture à 3 endroits. Ah, là, il fait, aïe, maman, il appelle sa mère. 350 livres de souffrance, il appelle sa mère. Ben, à rester en Afrique, là. Parce que c'était un Africain, le pauvre, là. Ben, le pauvre, c'est pas parce qu'il est Africain qu'il est pauvre, mais sa mère était loin. Que là, son entraîneur, il prête le cellulaire. Ouais, parle à ta mère. Maman. Et là, les gens, ouh, ouh, chaud, chaud. Et là, il est descendu du ring, là, l'arbitre. Ah ouais, vas-y, parce qu'à 10, là, il va gagner par défaut. Fait que là, un. Là, il essaie d'appeler sa mère. La communication, c'était la nuit. Maman. 8, 9, j'ai gagné. Les trois combats, je les ai gagnés. L'astuce, l'intelligence. C'est ce qui manque aux citoyens, de l'intelligence. En béton, c'est en béton. Béton, c'était du béton léger, là, mais ça avait coulé dans le fer, ça, là. Ah, et puis mes gants, oh, des beaux gants qui étaient prêts à frapper. Je vais même pas lancer un coup. C'est une belle histoire, hein? C'est presque vrai. Le titre de la phrase de Bukowski, c'est « Au viol! » Au viol! I am the god of hellfire, and I bring you fire. Not a man gon' contain these flames, they burn higher, yeah. And it's not on the roof, it's in the booth. Then spreads from the stage to the youth who all root for more. You can smell it in your clothes, your nose. See a hater closing his nose, we closing the doors. They gotta bounce, cause I learned where there's smoke, there's fire. Similar to the streets where there's folks, there's tires. Keep rolling like X-Popper, see them flames. They gon' need dental records to retrieve them names. Of course the sheer force, a scorch upon contact. Zippo flow, here it go, let's all cock back it. Hellfire can't scorch me. Hellfire can't scorch me. Hellfire can't scorch me. Hellfire can't scorch me. Melt Antarctica down. A big polar bear's help bring art to the sound. Spit like lit cigarettes and dry leaves. Goodbye, leave or die whenever your eyes see. It burns like a wound with a pool of liquor, running through it like a molten river. Imagine hell like it's a motion picture. Hopeless folks roasting like it's a joke with sicker. Try living with not like water and mixed drinks. Forget break when enemies challenging this tank. Murder, death, kill with a grill. You've heard the best, don't sit still as you feel this. Folks catch shields off the skill, it's the bill. Ill will liquefy shields with. Too late, secure the perimeter. It'll enter your soul, you can't control the limits all. Hellfire can't scorch me. Histoire de l'art, voilà, ça va me nourrir, ça va me... Ouvrir tes connaissances générales. Voilà, moi c'était parfait, je me suis... Là pour le coup, j'étais tous les jours en bibliothèque, tous les jours, enfin ça me... Vraiment... Alors t'es une fille qui t'intéresse, qui creuse toujours les choses, qui n'a jamais rien d'arrêté. Bah, tu peux modifier ton idée actuellement. Disons que l'angle avec l'histoire de l'art, c'était une manière pour moi de rentrer aussi dans l'histoire. Parce qu'on peut pas, on peut pas s'intéresser à l'art sans faire un état des lieux sur l'histoire, sur notre passé et forcément ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc ça c'était pour l'aspect théorique et l'aspect pratique. Patrick, oui, c'est ton ex. Voilà, je faisais déjà du théâtre en tant qu'amateur, etc. J'ai commencé ma carrière de comédienne de théâtre dans des registres assez classiques. Brecht, Molière, etc. en région Alsace, et je suis venue à Paris pour faire mon école de théâtre Jacques Lecoq. Et là, pourquoi le burlesque? Moi j'avais plus de facilité, les réactions publiques m'ont tout de suite emmenée vers le côté un petit peu vers le côté un peu clownesque. Personnage un peu lunaire, à qui peut arriver des accidents, etc. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément le physique de l'emploi, mais... Mais qu'est-ce que... Mais le physique de l'emploi... Non, physique de l'emploi, ça veut rien dire. Mais maintenant, c'est vrai que... C'était... Maintenant, ça a beaucoup évolué. Mais c'est vrai que quand j'ai démarré, on va dire que déjà l'humour, c'était quelque chose qui était... Le décalé, etc., c'était quelque chose qui était plutôt attribué aux hommes. Alors débouler là-dedans une jeune fille, etc., un peu bon, ça, mais du coup j'ai trouvé mon propre, je pense que j'ai trouvé ma propre démarche, mon propre chemin là-dedans, et j'arrive à jouer de mon physique, et c'est là aussi où le burlesque intervient. De jouer avec mon physique, de jouer, non pas que je sois une bombe sexuelle, c'est pas ça, hein, mais on va dire que j'ai des critères, que je correspond à des critères plutôt jolis, etc. et tout. Donc ce qui n'est pas forcément le lot, on va dire, des humoristes. Voilà. Donc moi je me suis vraiment, je joue sur ce tableau-là, c'est-à-dire je joue sur l'humour, le glamour, je joue sur l'autodérision, et c'est vrai que le corps, alors est-ce que c'est l'histoire de l'art aussi qui m'a inspirée, parce que je me sers du corps aussi comme un motif. Un instrument aussi. Bien sûr, puisque je suis comédienne, mais je m'en sers, le corps féminin, je m'en sers comme un motif, comme on peut le retrouver dans tous les tableaux de maîtres de la Renaissance, etc. La nudité à sa place. Ouais, exactement, mais moi je m'en sers toujours pour parler de la femme aujourd'hui, mais pour toujours jouer sur ce décalage. Sur, par exemple, c'est des clins d'œil, c'est des évocations du cinéma avec Brigitte Bardot. Parce que je cite à un moment donné dans ma pièce de théâtre, effectivement, il y a cette évocation de Brigitte Bardot qui est une des icônes. Alors, Gerrita Hayworth. Marilyn Monroe aussi, tu fais quelque chose sur Marilyn Monroe. Je prépare une pièce de théâtre. Mais c'est pas. Non, là j'ai un angle d'attaque aussi très précis, c'est sa relation à la psychanalyse. The commercial tracks you're doing. A brother gotta eat. Jay, won't you rap for food then? Stay away from cannabis like Wyclef. Deacon and no fry sex. Similar to Christ. Got divine reps, so tell me. If you know you're going down, why step? Show no mercy. With bruise and cruise. Get hit with more bricks than New Jerusalem. Riddles confusing fools. Like a fusion rules. Most cats are more square than Rubik's cubes. We spit raps that are totally murderous. The rhymes are like an anaconda serpent clutch. So check out how these herbs get touched. Unless your broad's giving us brains. Nigga, you ain't serving us. Deacon and no. Cunning linguists with stunning English. Our true lies break more punks than Harry Ringquist. Every week with the best speech. Roll with cats and smoke more trees than the slash and burn technique. Sex beats between bed sheets. Red fleets, Pulp Fiction style. Even your car with red seats. We make like fly swatters and smash pets. Put peeps under more pressure than a Kelly Price bed set. Leave your bodies looking like samples from the Warshak test. Ink blots. So fuck around and get your theme rock. Jugs in the back with the bean cocks. The plots that have everything between LA and Queens locked. Word, word. Yo, check it out. Cunning linguist. You know what I'm saying? Y'all know how we do. I mean, you probably don't know how we do, but you about to find out. Like what? Like what? Like what? Des temps dans le fric dans le sexe et la guerre. Le vent caresse les ruines et souffle les cendres. Dans le fric, dans le sexe et la guerre, je flotte sur le divan. Entre les vagues, drague l'eau et l'horizon s'éveille sous le sommeil du temps que de lentes secousses, que de lentes secousses. Que de lentes secousses. Que de lentes secousses. C'est beau. Merci. Voulez-vous que le rappel... Voulez-vous? Oui, vous avez, madame, ah, non, merci, moi, j'ai rien compris. Vous, monsieur Thibodeau, c'est de la poésie. C'est de la poésie mentale. Non, c'est de la poésie narrative. Oh, mon, ça vient de? Ça vient de la, des mots. Oui. Et des sentiments. Ouh. Et surtout, ça va bien, vous? Sentiments. Oui, des sentiments. Que de poètes laissez-moi vous dire, monsieur, que les le Saint-Esprit de les lumières Saint-Espritielles, hey, monsieur, c'est qui Saint-Espritiel? Il y a une jeune fille qui m'a dit cette nuit, en parlant de voler, elle m'a dit, je m'en souviens plus. Hey, ça, c'est c'est bon. Je m'en souviens plus. Hey, notre, ça, c'est notre hymne. Non, c'est jamais souviens. Non, mais toi, c'est, tu t'en souviens plus. C'est vrai. Errance canadienne, je m'en souviens plus. Ça fait combien d'années? Je m'en souviens plus. Qu'est-ce que tu as dit, hier? M'en souviens plus. C'était une bonne émission? Moi, je sais pas. Tu radotes depuis trois. Je sais pas, voilà, voyons. OK. Alors, on y va, monsieur. Écoutez. Rentrez votre cassette dans votre enregistreuse, là, puis partez. OK? Record et play en même temps. Un, deux, trois. Entre, votre record va pas très bien. Non, c'est, je ne l'ai jamais utilisé. Ça fait 28 ans. Hein? Moi, je suis rendu au numérique. Mon fils m'a dit, poupa, c'est le temps que tu te modifies. Et là, je lui dis, ouais, tu vas m'expliquer ça, là. C'est pas compliqué. Et c'est vrai, c'est pas compliqué. Avant ça, moi, là, je devais presser sur le bouton rouge du record, puis presser sur le play. Là, en pressant fort, là, parce que c'était de l'analogique. Là, c'est très, très, très, très, très simple. Mon magnétoscope, mon enregistreuse numérique, c'est pas la même chose. Magnétoscope, c'est vidéo sonore, là, c'est pas la même chose. Là. Mais mon enregistreuse numérique, il y a le mot enregistré, parce que je l'ai acheté au Québec. C'est le bouton rouge, j'ai juste à enfoncer, presser du doigt le bouton rouge, pouf, ça passe. Les lumières baissent. La sono s'élève. Le surround se met en branle. Le tremblement de terre s'exprime. Alors, voici pour un tremblement de mots. OK, on y va, on y va. Entre les vagues, drague l'eau. Et l'horizon s'éveille sous le sommeil du temps, que de lentes secousses, que de lentes secousses. Oh, à cette heure-là, là, 1h14, que de lentes secousses. Que, comme le mentionnait, que, en parlant de secousses, que le temps. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Hey, pour qu'il dise ça, là, il en a vécu des affaires, Jim Morrison. Là. Il a eu 11 000 vies dans son existence. Là. Il est mort à 27, mais... fois 2000, là. Il s'égrenait à la fin, là. C'est pas dans le bain qu'il est mort, là. C'est dans le bar circus, j'ai déjà mentionné, là. Si vous écoutez Rancière Canadienne depuis le début, le bar circus, véritable histoire de Jim Morrison. C'est pas l'œuvre cinématographique d'Oliver Stone. Comment tu l'appelles? Oliver Stone. Le balafré, là. C'est un peu sa vie à la fin. Le bureau rempli de... Il voulait faire une tarte. Madame Tupodo, c'est ça qu'elle m'a raconté. Elle dit, hey, moi, j'ai vu ce film-là avec mon fils. Mon fils, il dit, maman, c'est un film culte. Qu'est-ce que c'est ça, du film culte? Connais-tu ça, du film culte? Oliver Stone, c'est quoi ça? Scarface, le balafré. Oh, le machino, là, le mini-magino. Connais-tu ça, moi, là? J'ai une pauvre mère de 12 enfants. Moi, j'ai fait le lavage. J'ai fait le repassage. J'ai fait la vaisselle. J'ai fait ma vie là-dedans, moi. Toute mon existence a passé là-dedans. Lavage, vaisselle, repassage. Lavage, vaisselle, repassage, puis élever les enfants. Oh, mon Dieu. Fais pas ça. Va pas là. Rentre pas tard. Va pas avec lui. Fais attention au gars. Ça, je disais ça au gars, hein, parce que j'avais trois garçons, là, puis oh, c'est pas ça normal. Qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Va pas avec lui. Sors pas avec elle. Embrasse-la, sors pas la langue. Tranquille, au pied. Ah. Alors, mon fils, là, qui est un homme d'esprit, là. Un petit garçon très intelligent. Ah, tellement intelligent qu'il me dépasse. Il mesurait 12 pieds de plus que moi. Là. Moi, je fais 2 pieds 3. Elle, lui, il fait 18 et 4. Et puis, on se rencontrait jamais en haut. Fait que quand il me parlait, il était au-dessus. Moi, quand je parlais, j'étais à sa cheville, à ses chevilles. Je disais, « M'entends-tu, toi, là? » »« Oui, maman, je t'entends. »« Mais t'es-tu certain? »« Oui, je t'entends. »« Peux-tu mettre un CB, quelque chose? » « Maman, je t'entends, Bon. Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Scorsese, Dalton, Tarantino, Pacino. Ça fait Oliver Stone. J'ai rien compris, mon petit chapeau. Regarde, on va... Il y a un sofa, là. On va s'écraser sur le sofa. Fait que, c'est bien, on était à égalité. Là, il me dit, là, maman, là, on va te faire écouter quelque chose. Ça a été coté 5. Puis ils l'ont recoté. Mais moi, c'est bien beau recoter. Mais moi, je tricote, puis je change pas de mâle. Comment ça qu'ils changent de chiffre comme ça? Elle dit, oui, mais ça, c'est l'influence cinématographique, ça, maman. Ça va avec l'air du temps. Ah, l'air du temps. Moi, j'ai des allergies. Moi, là, c'est pas cet atmosphère. Non, c'est pas ça, maman. L'air du temps, c'est. Il y a beaucoup de films qui se produisent, là. Puis là, ça se reclasse, ça se déclasse, puis c'est comme ça. Il semble que ça manque de classe, moi. Dans mon temps, il y avait Charlie Chaplin, il y avait Jerry Lewis, il y avait le beau Dean Martin. Ah, qui était beau, hein? Ah, Frank Sinatra dans ses films. Ah, il était beau. Tous ces hommes-là étaient beaux. Il y avait Marlene Bobbo. Là, tu m'as dit, il a fait Apocalypse Now. Non, c'est Apocalypse Now, maman. Ben, Apocalypse Now, c'est jamais ma affaire. Là, c'est quoi ton film Scorsese? Là? C'est pas Scorsese, maman. Mais c'est bon que tu le retiennes, Scorsese. C'est un autre grand réalisateur, là, mais c'est pas lui. C'est Oliver Stone. Oui. C'est le Balafré. Oui. C'est Al Pacino. Oui. C'est ça qu'on va voir. Puis ça, c'est un remake d'un film de 1932, maman. Ah. En anglais. Ah, sous-titré. Ah, pas sous-titré. J'ai de la misère à lire mon. Mes recettes. C'est écrit mettre deux œufs. Des fois, j'en mets quatre. Mes œufs ont deux jaunes. Je rase ça. Ça fait 25 ans que je gâche mes gâteaux. Je me dis, à un moment donné, si je vais réussir, je mets du crémage. J'en mets du crémage. Pourquoi? Parce que je veux pas que le jaune se fasse voir, là. Souvent, il y a des petits poussins à l'intérieur. Ah, ce qu'ils lèvent dans le gâteau, puis il y a de la plume, puis ah, là, il y a le zizi de Jeanne-Mère. Mon truc en plume, c'est une longue histoire. encore... C'est singulier. Voilà, c'est très particulier, ça n'est ni sur sa biographie. C'est pas, tu vois, blonde... Tu l'imagines, c'est ça, c'est de l'imagination, c'est... Si c'est vraiment... Non, c'est basé sur des textes d'elle, enfin, que j'ai adaptés pour le théâtre, mais qui sont issus. Alors, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que c'est vraiment à l'étape de travail à la table, etc. Avec qui mais tu travailles? Avec, je vais, avec qui je travaille, je vais proposer ça au Ciné 13 Théâtre, qui propose un festival de forme courte théâtrale, que je trouve très intéressant et très original parce que c'est un format qui existe au cinéma avec les courts-métrages. On a voilà, des formats de 10 minutes, etc. Et au théâtre, ça n'existait plus. Il y avait ce qu'on appelait les levées de rideaux, mais ça n'existe plus. Et eux proposent un festival où voilà, ils donnent carte blanche à des artistes qui viennent de différents horizons. Et on a 30 minutes sur scène pour proposer des choses. C'est comme ça que j'ai créé mon premier spectacle. Et c'est là-dessus que tu vas travailler. C'est à travers ces 30 minutes-là que tu vas essayer de voir l'angle avec lequel tu vas... Oui, disons que ce qui est chouette, c'est que ça donne une échéance. Un avant-goût aussi. Oui, ça donne une échéance. Et puis, du coup, ça permet de travailler. On sait que voilà, on va être vu, on va pouvoir... À telle date, les choses se vont concrétiser, parce que tu sais qu'au théâtre les choses mettent du temps à se mettre en place, c'est toujours très très long, et voilà, donc ça c'est encore autre chose, mais je l'attaque, mon angle c'est vraiment son rapport à la psychanalyse, et c'est vraiment issu de textes de bandes enregistrées qu'elle a fait à l'intention de son psychanalyste lors d'un de ses voyages en Europe. Il était parti et elle voulait continuer son travail analytique, elle voulait continuer son travail de libre association, et elle l'a fait en s'enregistrant. Est-ce qu'on peut trouver ces bandes-là? Alors on peut les trouver, elles ont été en partie retranscrites à l'écrit, donc on peut les trouver dans différents ouvrages. J'ai fait un grand travail de recherche là-dessus. Okay. Mais voilà, évidemment, je vais le transposer. Est pas trouvable. La source sonore n'est plus validée. Mais tu sais, il y a encore beaucoup de choses qui sont. Parce que tu peux remettre en question les écrits, mais si c'est elle qui parle, donc c'est véridique. Oui, oui, ça a vraiment existé. Maintenant, est-ce qu'elles sont? Toi, tu vas vraiment prendre les écrits comme elles le sont, si tu vas les travailler, les retravailler, les peaufiner, les placer? Je vais les transposer au théâtre, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais prendre, d'autres pas, mais ça c'est vraiment le travail de la création. De, voilà. Bah oui, du passage à la scène. Voilà. Bon, j'ai répondu à ta question. Je revenais sur Brigitte Bardot, parce qu'on était sur le corps, sur la perception du corps. Et quand, par exemple, Godard a voulu absolument travailler avec Brigitte Bardot... Dans le mépris, il ne voulait pas la mettre nue. Il n'en était pas question, ce n'était pas dans le scénario. Et ce sont ses producteurs qui ont dit... Nous, on paye Bardot, mais on l'a venu. Et c'est là qu'il a créé. Et c'est là qu'il a créé la fameuse scène du mépris, la scène que tout le monde connaît. On retrouve dans les magazines. Voilà. Et toi, par rapport à ça, pourquoi tu t'intéresses? Parce que tu es une femme, sans doute. Oui, parce que. Est-ce que tu te considères féministe? Alors. Avant de me confronter à certaines difficultés dans mon travail, peut-être dans ma vie privée, dans ma vie de femme tout court, je n'étais pas du tout. Une double note, ça. C'est dur pour l'écho. Mais c'est ça, mais donc l'écho, on va voir, c'est... Et monsieur, vous aurez des vis. Votre tête pivote 360 degrés vers la gauche. C'est normal. Si c'est vers la droite, appelez. Appelez qui? Appelez! Appelez qui? N'importe qui! Oui, mais là, il est 1h32. Puis, il pluie. Ça tourne vers la droite, c'est pas normal. La gauche, OK. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci. Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Parole. Parole. Dans l'univers, il y en a des mots. Il y en a à l'unisson. Il y en a même qu'on invente. Il y en a qui n'existent pas. Ah, je sais qu'il y a des parents ce soir, là. Ils se reposent. Le petit vient de fêter ses 2 ans. Il se rappelle. Hey, c'est vrai. Notre petit Étienne, quand il disait Aramé. Là, on disait Aramé. C'est quoi Aramé? Aramé. C'est qui Aramé? Aramé. Hey, ils vont mettre ça dans le dictionnaire, là. On sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais aramé. Quand ils nous regardent avec le sourire, aramé, ça veut dire quoi, aramé? La mère. Moi, je comprends tout, moi. J'ai le décodeur, moi. Aramé, je sais. Ben, dis-moi, c'est que ça veut dire aramé. Moi, le père, j'en ai ses points. Ben oui. Aramé. Tu sais pas ce que ça veut dire, aramé? Ben non, ben dis-moi, arrête de faire comme ton fils, toi, là. Oh, nous, on a une complicité. Toi, t'es toujours exclu. Ben, c'est ça, le père là-dedans. Ben, c'est ce père caché, mère trouvée. Oh, mon Dieu! Un livre de psychanalyste. Si vous en êtes un. Un quoi, un malade? Un psychanalyste, OK. Ben, écrivez-en un. J'ai trouvé le titre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maman. Oh, je te le dirai plus tard, là. Ça, j'ai mal à l'espoir avec toi. Oh! Je crois que nous sommes très loin dans le fait d'élever notre fils. Oh, mon dos! Il n'est pas à ta hauteur. Ben, voyons donc! Il fait même pas 1,5 pied. Moi, je fais 6 pieds 3. Ah, non, pas cette hauteur-là. L'hauteur d'âme. L'hauteur de compréhension. L'hauteur du fait de vivre avec un enfant qui ne demande que d'apprendre tout. Il nous apprend tout. Ben, hey, si mon enfant m'apprend des affaires, voyons donc, même, il vient d'avoir 2 ans, il m'apprendra rien, lui, là. Hey, j'ai commencé à travailler à 11 ans, moi. J'ai lâché les études à 12 ans, moi, là. Mais ma famille, j'ai pourvoyé ma famille à l'âge de 13 ans. Même, il ne m'apprendra rien, cet enfant-là. On va attendre, là, 2 ans, ouais. Non, t'apprends des choses de la vie. Les choses de la vie, c'est de travailler, de se casser la tête pour amener de l'argent, amener de la nourriture, amener du confort et du réconfort. C'est pas ça. L'amour. Hey, voyons donc comment ça coûte, l'amour. Lâche-moi l'amour, toi, là. Ça nourrit pas, ça nourrira pas nos enfants. Ben voyons donc, il n'y a pas juste ça, la nourriture. Ben non. Pour faire évoluer quelqu'un, là, ça demande quoi? Un toit. Ensuite, qu'est-ce que ça demande? Je sais pas, un toit, oui, un toit. Toi, toi. À part d'un toit, ben, ça demande quand même une certaine... de l'habillement, hein? On doit s'habiller, oui, OK. De la nourriture, OK. Puis après ça, ben on peut commencer à évoluer. Mais si t'as pas les trois caractéristiques primaires, comment tu peux le faire? Hey, si t'es dehors, là, t'essayes de survivre. Quand tu te nourris pas, t'essayes de survivre, mais t'évolues pas, là. Oui, là, mon enfant, ben c'est ça, ton enfant, moi, je travaille pour vous autres. Eh ben voyons, toi. J'ai mon emploi. Ah, ça, c'est vrai, ma chérie. Bon. J'ai pas besoin de toi. Ah, mais c'est vrai, ma chérie. Ben, va-t'en. Oui, merci, ma chérie. Ben, c'est ça, la vie, hein? On peut mettre des gens dehors. Ah, on n'a pas mis de le son. Ben oui, le son. Ah oui, voici, mais ça, le son. Oh, je croyais d'avoir conclu cette improvisation avec beaucoup de paroles, de justice et de troubles. Pourquoi t'as pas parti ça à temps, là? Lui, il a pas le sens théâtral. Il n'y a pas le sens là, cinématographique quand on dit « action ». Il n'est pas là quand il faut. Vas-y donc. Là. Ben oui, en avant la musique. Not coming back because he's sleeping with me. maintenant, les féministes, elles nous ont déjà, nous, parce que c'est la génération de nos mères, elles nous ont déjà bien mises dans la merde par rapport... Non, mais parce que les hommes ont eu énormément de mal à trouver, à retrouver leur place et... Voilà, non, mais c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que nous, elles nous ont rendu d'immenses services parce que voilà, parce qu'il y a eu la libération sexuelle, parce qu'on a pu, gérer on a pu faire le choix d'avoir des enfants quand on le souhaitait, etc., ce qui est quand même extraordinaire. Mais après, c'est vrai que du coup, les hommes se sont un petit peu noyés dans cette espèce de magma. Et tu crois que c'est dû à ça, au féminisme? Bah, ça les a... Ça les a quand même... On les a déplacés. On les a troublés aussi. Oui, bah oui. En rebalançant les schèmes, en revoyant les schèmes, les équivalences aussi. Hein, un homme doit être similaire à la femme, doit s'occuper autant des enfants, ou l'homme rose, toutes ces... Mais maintenant, c'est vrai que les hommes prennent plus part... Enfin, bon, c'est ce qu'on dit. Ils s'occupent plus des enfants. Maintenant, est-ce qu'ils s'occupent plus du foyer? Non. Enfin, de tout ce qui est ménage, etc. Non. Bah, peut-être pas chez vous, mais chez nous, oui. Oui, alors je sais, j'ai vu un documentaire effectivement, mais il y avait certains hommes terrorisés. Terrorisés, toujours à la recherche d'eux, se questionnant, se demandant leur place sur la planète. Les Français, pour ça, on est très latin. Tu vois, on est le tempérament latin. C'est-à-dire que, effectivement, par rapport au féminisme, il y a eu un grand bond du féminisme dans les années 70. Et pour toi, c'est pas pour le mieux? Ben, si, mais de toute façon, c'est comme une révolution, c'est comme on ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Donc forcément, il y a des dégâts collatéraux. Donc c'est plus les générations à venir où on est obligé, hommes et femmes, de dealer avec ça. Maintenant, il y a eu ce grand bond, donc tout le monde a dit c'est formidable, les femmes travaillent, etc. Les femmes choisissent de faire des enfants quand elles veulent, les femmes travaillent, etc. Mais les femmes... donc maintenant, tout le monde considère que c'est absolument normal que les femmes travaillent. Maintenant, les femmes ne sont pas payées. Alors, juste avant, oui. Elles sont toujours payées. Elles sont toujours payées de manière inférieure aux hommes. Et les femmes ont ce qu'on appelle la double journée, c'est-à-dire qu'elles travaillent et puis à partir de 17h ou 18h commence l'autre journée, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu ce grand bond et là. Voilà, ça stagne. Donc si moi, par mon prisme, c'est-à-dire que c'est pas volontaire, c'est-à-dire que quand je crée, je pense pas, je me dis, ah bah tiens, là... C'est peut-être inconscient aussi. Mais en fait, on parle, je pense qu'on parle mieux de ce qu'on connaît. Donc moi, je peux dire que je ne le vis pas parce que j'ai une vie relativement privilégiée parce que je fais un métier que j'ai choisi. Effectivement, avec les hauts et les bas que ça peut. Voilà. Mon mari, effectivement, est très présent auprès des enfants, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que si à travers mon mode d'expression, je peux aussi raccrocher à notre société et à nos problématiques actuelles, à 100%, bien sûr. Voilà. En te mettant sur scène, tu veux un peu répondre à ces questionnements-là. Tu veux faire réfléchir l'auditeur, tu veux faire réfléchir le spectateur. Moi, je veux donner à voir des images. Je veux donner à voir. Je parle de nourriture intellectuelle. J'ai envie de donner à voir des choses aux gens, de la poésie, des images. Et après. Moi, j'aime pas trop driver les gens. C'est-à-dire que j'aime aussi que les spectateurs embarquent dans leur propre... fassent leur propre cuisine, quoi, si tu veux. Kentucky Derby Day. Well, I'll be in my basement room with a needle and a spoon. And some of the girls can take my pain away. Take me down, little Susie. Take me down. I know you think you're the queen of the underground. Sing like the brutal suburbs of feral Sanders. Emerging from light, emerging from light, emerging from light into some literary spawns. Yeah. Beyond words are destination, visual and multiplying, intricate and persistent. Shimmering loosely on the avenue. Shuddering loosely and emerging from light into some literary response. In rigid cities, spontaneously glimpsed, silent suburbs of jazz and primitive hell, where dream letters were drowned in invisible stars. Come on. Take me down. Woo. Je montre des choses, dans une, j'espère en tout cas une générosité, et après les gens font leur propre, ah ça me raccroche à ça, ça me fait penser à ça, etc. Et c'est très intéressant d'avoir, parce qu'on a eu des images, à un moment donné il y a une image assez forte qui est l'image d'une burqa, puisque je prends un rideau de théâtre et je m'enfile complètement dedans. Et en fait, si tu veux, au niveau du public, les réactions sont... Je pense produire et demander peut-être à Nathan de ramener ça. Les gens disent, bah, finalement, cette image-là, elle est beaucoup plus violente. Une image forte, violente. Beaucoup plus que le corps nu, sans provocation, enfin, qu'un corps nu féminin donné à voir, mais sans provocation. Là ce voile intégral, ce rideau noir tout d'un coup qui vient, les gens trouvent qu'effectivement c'est beaucoup plus choquant que cette nudité assumée. Mais lorsque je te voyais sur YouTube, quand je lisais ton résumé de travail sur la pièce que tu viens de parler, ça me faisait penser à un film qui s'appelle Un été en ville de Michel Deville, où les deux protagonistes, Marie Trintignant, feu Marie Trintignant, et l'autre, c'est Jean-Luc Anglade, jouent nu. Ça ne dit absolument rien. Un été en ville. OK, au début. Ben, je vais le noter. Ouais, ouais. Au début, on est intéressé par la nudité. Michel Deville. Un immense réalisateur. Bien sûr, bien sûr. Au début, on est comme plusieurs omnibulés par la nudité, OK? Et après, on l'oublie. Exactement, ça devient. Mais c'est ce qui se passe. Oui, oui. Alors, mais c'est ça. Alors, c'est ça qui se passe. Lorsque je voyais tes trucs sur YouTube, parce que j'ai pas pu voir la pièce. Pour complet, je peux comprendre aussi les droits d'auteur, hein, heureusement ou malheureusement. Mais lorsque je lisais le synopsis et le travail que toi tu avais fait sur cette pièce-là, je me disais, c'est le film de Michel Deville, c'est-à-dire oublier la nudité et même faire en sorte d'amener le côté loufoque, extravagant. Oui. Alors moi, c'est vrai que c'est un degré zéro, finalement. Okay. C'est comme une page blanche, c'est-à-dire que je pars de ça, je pars d'un cadre, je pars d'une scène de théâtre à peu près vide. Mais là, tu arrives nu et tu dis que tu ne trouves plus tes vêtements, c'est ça? Et oui, c'est-à-dire que mon scénario de départ, c'est qu'on a appelé, donc mon personnage s'appelle Églantine, pour un remplacement sur un rôle minuscule dans une pièce célèbre de Racine, qui est Phèdre. Mais elle a deux phrases à dire. Et on l'a appelé au dernier moment et on lui a dit, comme ça arrive, tu trouveras ton costume sur place. Elle est dans ses pensées, elle s'imagine déjà sur scène, elle se prépare, etc. Le rôle de sa vie. Elle est là, et puis elle cherche son costume, les loges, d'un pas elle se retrouve sur la scène, elle voit rien, demande de la lumière, bon, et là elle découvre le public. Et là la situation, l'enjeu est donné, c'est-à-dire que, bon, c'est une situation terrible de se retrouver là, ça la raccroche à un cauchemar de comédienne. Qu'elle a fait de manière récurrente, de se retrouver nue sur une scène de théâtre. Et finalement, le fait d'être devant le public, c'est trop tentant d'être dans cette situation où finalement le public est là. Et ben, bon, bah, puisque vous êtes là, je vais vous la jouer, moi, la tragédie. Sauf qu'elle la joue... À sa manière. Oui, à sa manière. Et ça devient... Ben, ça part... Oui, oui, ça c'est-à-dire qu'elle part dans des évocations du théâtre, donc effectivement, elle se base sur la pièce de départ pour laquelle elle était censée venir, mais évidemment, elle va interpréter le personnage principal. Est-ce qu'elle va balancer ces deux phrases? Est-ce qu'elle va les dire, ces deux phrases? Oui, elle les dit comme ça. Anecdotique, d'une manière anecdotique. Oui, alors, pour le moment, oui, bah après, c'est vrai que c'est aussi un work in progress, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le joue, forcément, il y a des choses qui retravaillent. Enfin, est-ce que tu le joues encore, oui? On prépare ça pour l'année prochaine. Ok, mais là ça s'est terminé récemment parce que je devais le voir, mais il y a à peu près quelques mois. Hein. Oui, oui, c'était jusqu'au 30 fin mai, 30 c'est ça. Mai. Écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com. Ou vous joindre à son réseau social, Facebook, en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.